En Corée, la production de lin mineur a commencé cette année dans les bassins de la mer de l'Ouest. La surface des bassins étant agrandie, les entreprises piscicoles maritimes de Bupo, de Kumipo et d'Anzin récoltent une abondance de lin mineur sans précédent. Grâce au sommeil bien effectué et à la bonne croissance des semences, la perspective de récolte par hectare est inouïe. Les travailleurs des entreprises récoltent par jour plus de 100 tonnes de lin mineur.